Vous voulez vous payer une bonne bouffe et vous avez peu de temps à votre disposition? Le restaurant Midas est l'endroit idéal pour vous, avec la pizza et l'excellent poulet frit qui font le délice de tous et qui est offert dans un délai rapide avec le sourire. Le restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 418-679-0900. Visitez notre page Facebook pour vous informer de nos différentes promotions. Le propriétaire Danny Potvin et toute son équipe souhaitent la meilleure des chances à Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette pour les Jeux de Pyeongchang. Pendant les Jeux olympiques, Dolbo Auto est en mode olympique avec des spéciaux dignes de la médaille d'or. Le Silverado, 0% sur 72 mois ou encore le Sierra, 98 $ par semaine pendant 48 mois. Dolbo Auto, 1770 boulevard Walberg, Dolbo Mistassini au 418-276-0580. Le propriétaire, M. Stéphane Fortin et toute son équipe souhaitent la meilleure des chances à Marianne Saint-Gelais et à Cassandra Bradette pour les Jeux de Pyeongchang. Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional de l'édition du 20 février. Ce qui retient l'attention ce matin, c'est les Jeux olympiques de Pyeongchang. Évidemment, grande déception pour l'équipe féminine de relais 3000 mètres en patinage de vitesse sur côte de piste. L'équipe qui était composée entre autres de Valérie Maltais, Marianne Saint-Gelais, Cassandra Bradette et Kim Boutin ont été disqualifiées. Ce qui est arrivé, c'est que Valérie Maltais de la Baie a été entraînée dans une chute à 5 tours de la fin par une Sud-Coréenne et a emmené avec elle une Italienne dans sa chute. Donc, ce qui fait en sorte que la Corée du Sud a remporté la médaille d'or. À noter que la médaille d'argent est allée à l'Italie et la Nouvelle-Zélande qui a remporté la finale du B a signé une médaille de bronze. Donc, c'est une décision qui fait évidemment beaucoup, beaucoup jaser sur les médias sociaux, évidemment, et cette disqualification de Marianne Saint-Gelais et de l'équipe olympique canadienne en patinage de vitesse sur courte piste. Puisqu'il est question de patinage de vitesse sur courte piste, hier, on a parlé avec Isabelle Poitot, qui a été une des premières entraîneuses de Samuel Girard à l'époque du CF 18 de l'Abbé, qui est le club de patinage de vitesse à l'Abbé. Et Samuel Girard était classé 40e il y a 5 ans au Québec. Et maintenant, il a remporté la médaille d'or au 1000 mètres. Et là-dessus, Isabelle Poitot se rappelle de Samuel Girard. Une très bonne capacité de prise de décision dans les courses. Il apprend extrêmement rapidement. C'est sûr qu'il commet des erreurs. Là, on l'a même vu en demi-finale. C'était pas sa meilleure course au niveau stratégique. Mais dès la course suivante, il s'est dit, regarde, je répète pas la même erreur. Je vais en avant, puis j'essaie de l'aider à court, puis les autres en arrière, ils essaieront de me dépasser. Là. Okay. Ils sont capables, puis il y a eu une stratégie. Il y a eu la stratégie. Okay. Mais Isabelle, si on parlait un peu, tu l'as dirigé ou... Et ce qui Isabelle Poitot mentionnait évidemment que dans le cas de Samuel Girard, il avait quand même un beau physique pour patiner en patinage de vitesse sur côte à piste. Beau potentiel. Okay. Mais c'est pas de là à dire. C'est sûr qu'il va être champion olympique. Okay. Okay. Il y a des super belles qualités physiques. Il y a une génétique incroyable. Justement, il était fort en course pour appliquer les stratégies. Mais moi, la première fois que quand je suis arrivée au club, il n'était même pas sur le plus fort réseau québécois là, dans sa catégorie d'âge. Mmh. Il y en avait 25 plus forts que lui là, dans sa catégorie d'âge. Et lui, il a monté dans ce niveau-là, mais tu sais, il n'était pas à la première compétition que moi j'étais avec le club de la Baie. Et la médaille d'or de Samuel Girard au 1000 mètres de samedi va donner des arguments de continuer le centre Marc Gagnon dans la foulée du débat, évidemment, concernant un nouveau Saint-Georges Vézina. Oui, c'est puis, mais qu'elle soit n'importe où, tu sais, ce qui est important, c'est d'en avoir une dans la région. Ouais. Le partage Saguenay puis Glace Olympique il n'est pas essentiel, là. Ça c'est très compréhensible, mais ça prend une glace olympique dans la région pour continuer justement à produire d'aussi bons athlètes au niveau mondial. Ça c'est certain, là. Tu vois, moi, qui la mettre n'importe où, là, il en faut juste une. Parlons maintenant de hockey. Il est arrivé un grave incident dans le cadre du match de vendredi entre les Saguenay de Chicoutimi et le National de la Baie dans la Ligue Midget 2B. Un joueur du National de la Baie a blessé, semble-t-il, de façon assez vicieuse, un joueur des Saguenay de Chicoutimi. Donc, Alex Gagné, qui a été blessé, a subi une fracture de la clavicule. suite à la mise en échec de Vincent Villeneuve. Vincent Villeneuve, jusqu'à maintenant, est suspendu pour deux rencontres. Par contre, semble-t-il que le dossier est rendu à la Fédération québécoise de hockey sur glace. Donc, c'est un dossier qu'on va suivre de près. Maintenant, on va vous parler aussi du tournoi de centre de formation professionnelle qui s'est terminé en fin de semaine à Dolbeau-Mistassini. Et hier, on a eu Éric Delisle, le président qui est à sa dernière année à titre de président du tournoi de centre de formation professionnelle. Et il estime que ça a super bien été, le tournoi. Oui, définitivement, on peut dire mission accomplie. On a vraiment eu un beau tournoi là, au niveau des équipes. Là, c'était vraiment plaisant. Écoute, les bénévoles aussi, là, je dois les féliciter. Puis sans eux, le tournoi n'aurait pas lieu. Ouais. On ne sait toujours pas si le tournoi va déménager à l'automne. Par contre, Éric Delisle a mentionné que la formule marche quand même encore assez bien puisqu'ils ont été capables d'attirer plusieurs équipes. Oui, c'est sûr. On va voir là avec les gens qui vont être en place aussi. Là, fait que. Mais je vais te dire, comme on dit, là, cette année, on a vu, on réussit quand même à avoir des équipes là, intéressantes. Là, puis je pense que le fait d'avoir réussi à avoir du 2B cette année, ça va peut-être intéresser d'autres équipes l'an prochain, là, à venir aussi. OK. Fait que c'est à voir. Plusieurs entrevues encore dans la section entrevues de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec Guy Saint-Gelais, où on fait la chronique de la Ligue JMS. On parle évidemment de ce coup salaud qui est survenu entre le National de la Baie et Saguenay-de-Chicoutimi. Je me suis également entretenu aussi avec plusieurs intervenants. Caroline Truchon vient nous parler de la performance de Marie-Anne Saint-Gelais en fin de semaine. Et également, vous pouvez écouter les autres entrevues dans la section entrevues de danradiosport.com. Le sport local et régional à danradiosport.com, on s'en occupe.